Bienvenue au Quai, Centre Dramatique National. Bienvenue à la Fabrique d'admiration et d'impertinence numéro 18. Juste vous rappeler un tout petit peu le projet donc de la Fabrique. La Fabrique a pour ambition de proposer des rendez-vous à la fois savants, à la fois ludiques et à la fois impertinents, de faire se croiser des paroles universitaires avec des gestes artistiques de différentes natures, des gestes artistiques relativement humbles. Ce projet est porté par le Centre Dramatique National, mais également par les deux universités angevines, l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest. On arrive au 18e rendez-vous donc aujourd'hui. Il y aura un 19e pour cette saison le 7 avril autour de la thématique des anniversaires. Joyeux anniversaire, point d'interrogation. En effet, on a fêté les 10 ans du Quai. On fête bientôt les 50 ans de mai 68. On fête également, mais ça je ne sais pas si ça ne parle qu'à nous ou à d'autres, mais les 70 ans de la décentralisation théâtrale dont les centres dramatiques sont issus. On fête également les 40 ans du CNDC au printemps prochain. Comment ? Oui, tu dis. Voilà, donc on avait envie d'interroger cette thématique que sont les anniversaires. Donc on vous proposera une conférence théâtralisée le samedi 7 avril autour de ce thème. Ensuite, il y aura une saison 4 pour la Fabrique d'admiration et d'impertinence lors de la saison 2018-2019. Les sujets sont, comme vous pouvez le constater, relativement variés en lien à la saison, au temps fort du Quai, à l'actualité tout court et aux envies des membres du comité de pilotage. Pour aujourd'hui, pour cette fabrique, donc vivre les mots avec le R entre parenthèses, vivre les mots, l'éloquence, parlons-en. On vous propose une conférence performée autour de ce thème. Juste vous dire qu'on clôt avec cette conférence, enfin plus ou moins parce qu'il y a encore le concert de ce soir, une très belle semaine consacrée à l'éloquence. Le hasard, l'alignement des astres était tel qu'on a eu toute cette semaine vraiment en lien avec l'éloquence. On a eu le spectacle Cyrano, que certains d'entre vous ont peut-être vu, d'après Rostand, mis en scène par Lazare Herson-Macarel, la compagnie La Jeunesse Aimable. Donc pour spectacle pour lequel l'éloquence était particulièrement bien illustrée. On a eu la pièce qui s'est terminée hier soir de Kerry James, première pièce donc du rappeur qu'il a écrite, qui s'appelait Avif, qui mettait justement en scène, donc on va en parler, deux étudiants de l'école du barreau en situation de concours d'éloquence qui répondaient à une question, l'un par la positive et l'autre par la négative, à la question « L'État est-il le seul responsable de la situation actuelle dans les banlieues ?» Donc spectacle que vous avez peut-être vu. Et ce soir, donc Kerry James nous fait l'honneur de faire son concert. Et hier soir, et j'en suis ravie parce que ça s'est passé hier soir, et je tiens à nouveau à remercier toute l'organisation, mais hier soir, on a accueilli pour la première fois la finale du concours d'éloquence de la faculté de droit. Il y avait 1000 personnes en Théâtre 900, c'était un grand moment. Voilà, celui qui a gagné, pour information, si jamais vous n'étiez pas là, s'appelle Théophile Bonnette, et son sujet était « L'avocat du diable peut-il gagner son procès ?» Donc c'est lui qui a gagné ce concours. C'était un moment très réjouissant, avec des joutes verbales vraiment très assez jubilatoires. Aujourd'hui, pour répondre à la question, pour interroger ce phénomène qu'est l'éloquence, je vous présente, peut-être je vais commencer par là-bas, je vous présente Anatole Jouet, qui est étudiant en lettres. Ah oui, tu peux applaudir, vous pouvez applaudir. Avec plaisir. Finaliste du concours d'éloquence de la faculté de lettres, parce qu'il y a aussi un concours d'éloquence à la faculté de lettres, hein, on va en parler, mais il y a des concours d'éloquence un peu partout, il y a un effet de mode aussi. À ta gauche, du coup, ouais, c'est ça, Pauline Brûlé, qui est maître de conférences en lettres à l'Université d'Angers. Jimmy Chariot, qui est docteur en droit à l'Université de droit. Et enfin, à mes côtés, Jules Makowski, étudiant finaliste du concours d'éloquence de la faculté de droit, cette fois, 2017. On est ensemble pendant une petite heure et demie, a priori, enfin grand maximum, pour une conférence performée, échanger avec le public compris. Hein. L'idée, c'est que là, on va intervenir, débattre ensemble, mais qu'ensuite, il y ait au moins une vingtaine de minutes consacrées à vos questions et à vos réactions. Cette conférence va s'organiser en deux temps. On va un temps plutôt sur l'aspect historique de l'éloquence et un deuxième temps plutôt sur l'aspect critique de celle-ci. Parce que voilà, il y a quand même un effet de mode et voilà, est-ce que l'éloquence n'est-elle pas aussi critiquable? Est-ce qu'il n'y a pas des limites? Je vais commencer par laisser la parole à Pauline Brûlé, qui va revenir donc sur l'aspect historique de l'éloquence et plus spécifiquement de la rhétorique. Merci beaucoup, Jenny, et bonsoir à tous. Qui d'autre qu'un dieu, Hermès, pouvait être l'inventeur des beaux discours? Hermès préside aux échanges, donc aussi à la circulation de la parole et même aux discours menteurs et truqués. Plus concrètement, on date les débuts de la rhétorique du 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment de la chute d'un tyran en Sicile, lorsqu'il faut que les citoyens recouvrent leurs terres. Et ils doivent défendre leurs droits, pas avec leurs poings, et à la place de la force, ils vont utiliser l'arme de la parole. La rhétorique est donc d'abord judiciaire, et elle vise des applications pratiques. Qu'est-ce qui me permettra de me défendre dans une situation où ma cause n'est pas claire et où je n'ai pas forcément toutes les preuves? La rhétorique est donc très utile dans le clair-obscur des affaires humaines, dans le probable, quand on veut argumenter dans le domaine du vraisemblable. Mais pourquoi au 5e siècle, alors que dans Homère, Ulysse, Achille, Nestor parlent déjà très bien? Traditionnellement, on fait la différence entre éloquence et rhétorique. L'éloquence serait donnée par la nature et la rhétorique par la technique. On est orateur et on devient rhéteur. Excusez-moi, oui, on est éloquent, on devient orateur. On peut tout de même remarquer que l'instinct et les fortes passions peuvent rendre éloquent, mais ça ne marche pas toujours. Par exemple, dans Cyrano de Bergerac, l'un des deux amoureux de Roxane, qui est Christian de Neuvillette, n'est pas du tout rendu éloquent par son amour, c'est même plutôt l'inverse. Et puis, on peut être loquace sans être éloquent. Et puis, parfois, un silence ou un geste peuvent être beaucoup plus éloquents qu'une flopée de paroles. En tout cas, l'éloquence correspond à l'effet produit par une parole persuasive, dans un corps persuasif, qui va gagner l'oreille, le cœur et l'esprit. En revanche, la technique peut tous nous rendre éloquents, et cette technique, c'est la rhétorique. Reprenons alors l'histoire. Au milieu du 5e siècle, donc la rhétorique a acquis droit de cité à Athènes, et elle devient une discipline. Le mot apparaît d'ailleurs, rhétoriquai, l'art de la parole, un art théorisé par les Grecs, qui nous ont aussi légué avec cet art la peur de cet art. Les citoyens ont en effet grand besoin de la rhétorique parce qu'ils doivent plaider personnellement pour défendre leurs affaires. Ils ont le droit de se faire aider, mais ils doivent se défendre par eux-mêmes. Et dans les assemblées, la délibération se fait après avoir écouté des discours. Il faut savoir s'adresser à de gigantesques foules qui peuvent très souvent être houleuses. Alors, un des grands exemples d'orateurs de l'époque, c'est Démosthène, qui a toutes les qualités pour se faire écouter, justement, l'intelligence politique, stratégique, la force et l'énergie du style, et une actio, c'est-à-dire une mise en corps et en voix très travaillée. Et la rhétorique est devenue progressivement un système. Elle est ce qui rend l'orateur capable de s'adapter aux situations et au public, dans des assemblées politiques, dans des tribunaux, dans une délégation diplomatique ou lors de funérailles. Et l'orateur doit savoir plaire, instruire, émouvoir, il doit savoir faire rire, faire pleurer, et surtout peut-être savoir que rien ne sèche plus vite qu'une larme. Il doit connaître les ressources des mots, des rythmes d'une phrase, il doit savoir les figures de construction, et puis s'adapter évidemment au goût du public. Après toutes ces années de raffinement et de progression, la rhétorique est devenue vraiment une discipline de virtuose, jusqu'à même un style rococo, sous l'Empire hellénistique. À l'opposé, l'éloquence romaine, belle comme l'antique, était très simple, fondée sur la gravité et l'autorité. Elle privilégiait la parole brève et surtout sa réalisation dans l'action. L'idéal en a été formulé par Caton dans une sentence destinée à son fils « Orator est vir bonus dicendi peritus ». L'orateur est un homme de bien, habile à parler. Et cet homme de bien unit ses capacités de parole à sa qualité morale et sociale. Et la forme va avec, deuxième sentence de Caton, « Rem tene verba sequentur ». Si tu tiens le sujet, possède le sujet, les mots suivront. On peut retrouver cet idéal dans la figure de Brutus, qui est un personnage magnifique dans la pièce de Shakespeare, Jules César. Brutus participe à l'assassinat de César et il fait un discours absolument convaincant, simple, très rationnel, mais aussi d'une dignité qui va droit au cœur du public. Le problème est que son adversaire, Marc-Antoine, vient faire la laudatio de César juste après lui. Il dit qu'il ne va pas faire de politique et il soulève toute la foule, il retourne le cœur du public. Et évidemment, il le retourne contre Brutus et les conjurés. Marc-Antoine exerce donc une éloquence des passions et de la suggestion très sournoise et très efficace. Et on voit bien que la rhétorique qui est le ciment de la République peut aussi être son pire ennemi. Cicéron, lui aussi, apparaît rapidement dans la pièce de Shakespeare. Cicéron est l'un des acteurs de la fin de la République romaine et c'est l'un des plus grands théoriciens de la rhétorique. C'est un véritable héros dans les deux sens du terme, de la rhétorique et de l'éloquence. C'est à la fois un homme d'action et un homme politique, un grand philosophe. Toute sa rhétorique se fonde sur une éthique. Lui aussi est bonus vir dicendi peritus, un homme de bien, habile à parler. Même s'il n'a pas hésité à suivre des chemins tortueux pour défendre parfois de véritables crapules. Mais toujours en suivant son idéal, qu'il a payé de sa vie, la liberté, et l'idéal d'une rhétorique, en tout cas d'une parole qui prime sur la force, résumée dans un demi-vers, « Quedant arma togae », que les armes le cèdent à la toge. Pour Cicéron, dans la vie sociale, la sagesse ne doit pas être muette. Ce n'est pas une sagesse muette, rappelle-t-il, ou de pauvres paroles, qui ont transformé les hommes sauvages, adeptes du droit du plus fort, en membres d'une société. Et réciproquement, la parole doit être nourrie de sagesse, puisque Cicéron s'attache à une rhétorique fondée sur la philosophie. C'est un art de vivre complet, mais aussi une fête de la parole et un goût pour les mots. Bilan de Cicéron, 150 discours prononcés, 58 conservés, 82% de succès, selon les statistiques, des statistiques qui ont été faites récemment. C'est donc un très bon patronus. Et en plus, il faut compter une œuvre immense de théorie, qui, avec celle d'Aristote surtout, va fournir les manuels scolaires durant 20 siècles. L'Empire est un moment où la rhétorique politique s'affaiblit, bien sûr, puisque la délibération politique devient complètement contrainte. Et cet art ne vit pleinement que dans la liberté, puisqu'il est au principe de son maintien. Mais si on ne peut plus vraiment débattre sous l'Empire, on peut encore théoriser, et c'est ce que fait Quintilien avec Nostalgie. Il écrit toute une somme sur ce que c'est que la formation du bon orateur, c'est l'institution oratoire. Et l'institution oratoire guidera tous les enseignants de rhétorique dans les siècles à venir. Lorsque l'Empire romain est christianisé, Saint Augustin convertit Cicéron, post-mortem, et dans le De Doctrina Christiana, il réécrit un des traités cicéroniens dans le sens d'une rhétorique chrétienne. Cette discipline, la rhétorique, a ainsi fourni son système à l'éducation aux humanités dans tous les collèges des siècles à venir. Alors, au Moyen-Âge, elle entre la rhétorique dans le triwium, avec la grammaire et la dialectique. La Renaissance redécouvre des textes de Cicéron ou l'intégralité du texte de Quintilien est redécouverte à ce moment-là et on refonde la rhétorique. Alors il y a des exemples que vous connaissez sans doute, c'est ce qui se passe dans Gargantua quand Rabelais oppose des harangues en latin de cuisine grotesques à de belles harangues faites par des disciples d'Erasme et Mélenchon qui eux savent parler de façon claire, rationnelle et juste. Mais ça ne veut pas dire que le Moyen-Âge n'était pas juste. C'était une autre façon de faire de la rhétorique. Et tout le XVIIe siècle est pétri de rhétorique. Vous vous souvenez sans doute des tirades de Chimène, de Rodrigue, d'Auguste et de Cinna. L'empreinte de la rhétorique est donc immense dans la littérature, bien sûr, et notamment parce qu'elle est le véritable moule de la formation scolaire. Et elle l'est jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, les élèves, par exemple, doivent faire des devoirs en faisant parler Démosthène, en faisant parler Alexandre au moment de sa mort, par exemple. Faire parler Démosthène au moment de sa mort, par exemple. Faire parler Alexandre, rédiger, par exemple, un discours de Henri IV à ses sujets. Et Lamartine, Gambetta, Jaurès sont passés par ce moule de la rhétorique et ont ensuite été de très grands orateurs. Et Rostand, l'auteur de Cyrano, fut un excellent élève au lycée de Marseille et à Stanislas, où il a pris les fleurs d'éloquence les plus persuasives. Actuellement, l'éloquence survit-elle seulement dans quelques situations, par exemple une entrée au Panthéon? En fait, elle fait mieux que survivre. Depuis quelques décennies, on s'y intéresse vraiment beaucoup dans la recherche et on propose des formations à des étudiants. On peut aujourd'hui refaire des exercices comme dans l'Antiquité, mais on les fait en français, heureusement, dans certaines formations qui pensent qu'on peut utiliser la rhétorique pour se former à toutes sortes de situations professionnelles actuelles. Évidemment, ça se produit aussi dans les concours d'éloquence qui se multiplient et on fait aussi de la rhétorique à l'école de guerre. Parce que là où on apprend à faire la guerre, il faut aussi apprendre à gagner par la parole. Cicéron avait donc raison. Quedant arma togai. Oui. Jacques Dimi, tu vas nous donner, suite à l'intervention de Pauline, plutôt des définitions de ce que c'est, quelle éloquence, ce que peut être. Bonjour. Avant de donner des définitions, je vais peut-être rebondir sur la fin de ta communication. Parce que, en fait, en travaillant cette intervention, je me suis rendu compte un peu d'un paradoxe. On l'a dit, et c'est la thématique de la semaine au Quai. Aujourd'hui, l'éloquence prend beaucoup d'importance. On voit des films sur l'éloquence, Le Brio, À voix haute, qui sont sortis récemment. On voit des spectacles. Alors, il y a eu le spectacle À vif au Quai cette semaine. J'ai vu aussi qu'il existait le spectacle de Joe Starr qui récite certains textes connus. Il y a le développement de concours d'éloquence au sein des facultés. Alors, en droit, c'est plutôt traditionnel, en droit, sciences politiques, et de plus en plus, ça se développe en lettres, et ça se développe aussi, j'ai vu, en sciences. Ça se développe aussi au lycée et parfois même au collège. Donc on voit cette progression, cette montée en puissance de l'éloquence et dans le même temps, on observe un déclin des éloquences plus traditionnelles. Je pense en ce sens à l'éloquence politique au sein de l'Assemblée nationale et à l'éloquence judiciaire au sein des tribunaux. On peut s'interroger peut-être, alors je vais revenir sur le déclin de ces éloquences dites traditionnelles, mais on peut s'interroger, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre ce déclin d'une part et cette promotion d'autre part du concours d'éloquence? Est-ce que parce qu'il y a un déclin justement de l'éloquence politique et de l'éloquence judiciaire, on a ressenti le besoin de promouvoir ailleurs, par l'intermédiaire par exemple de concours, l'éloquence pour l'éloquence? J'ai pas la réponse, peut-être qu'il n'y a pas du tout de lien, mais la question en tout cas se pose. Alors je vais peut-être revenir d'une part sur le déclin de l'éloquence politique et puis ensuite sur le déclin de l'éloquence judiciaire. Le déclin de l'éloquence politique d'une part, faut savoir peut-être avant de commencer que c'est la naissance de l'Assemblée nationale qui marque vraiment l'entrée officielle de l'éloquence en politique. Alors en France, ça date de la période révolutionnaire où on a voulu s'inspirer du régime parlementaire britannique. L'Assemblée nationale, c'est alors vraiment le lieu où doit s'exprimer l'art oratoire. Et on a un exemple très récent, c'est le 28 janvier dernier, on a le président de l'Assemblée nationale qui a voulu modifier le règlement de l'Assemblée nationale. Ce règlement dit, dans l'hémicycle, l'expression est exclusivement orale, Donc on voit bien la prégnance de l'art oratoire au sein de l'Assemblée nationale. Et ce règlement précise que l'utilisation de graphiques, de pancartes, de documents, d'objets ou instruments divers est interdite. La tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Alors peut-être que vous savez pourquoi on a précisé au sein du règlement de l'Assemblée, enfin pourquoi on a prévu autant de précisions au sein de ce règlement. Ça fait suite à l'affaire de Jean-Luc Mélenchon qui s'était présenté à l'Assemblée nationale suite à l'abaissement des APL de 5 euros. Il s'était présenté avec un panier de courses d'une valeur de 5 euros justement pour protester contre cette baisse. Ça faisait suite aussi à François Ruffin qui s'était présenté à l'Assemblée nationale avec un maillot de football pour protester contre une loi qui prévoyait, enfin un projet de loi qui prévoyait d'instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels. Donc tout ça pour dire que le message au sein de l'Assemblée nationale doit vraiment passer par la parole, c'est l'art oratoire qui prime, et on a des exemples très connus, hein, lors de la Révolution, on pense à Mirabeau, à Robespierre, la Troisième République, on peut penser à Clémenceau, à Léon Blum, on a parlé de Jaurès aussi, la Quatrième République, on peut penser à Pierre Mendès France. Bref, il y a des figures comme ça, des orateurs qui sont très connus. Sous la Ve République et surtout au XXIe siècle, donc à l'époque actuelle, on observe que les démonstrations d'éloquence se font beaucoup plus rares. On a l'impression parfois que les hommes politiques ne cherchent même pas au sein de l'Assemblée nationale à être éloquents. Souvent, quand ils ont des questions à poser au gouvernement, eh bien, ils lisent un papier qu'ils ont en amont préparé ou qu'on a préparé pour eux, et souvent ils balbutient, on ne les écoute pas, ils ne sont pas écoutés, ils sont coupés, etc. Pourquoi ce déclin ? Pourquoi ce déclin de l'éloquence au sein de l'Assemblée nationale ? Alors, j'ai émis plusieurs hypothèses. La première hypothèse, peut-être, c'est que les lois sont de plus en plus techniques. On a une technicité des lois, si bien qu'au sein de l'Assemblée nationale, les débats ne vont plus vraiment porter sur des enjeux de politique majeure, ça va être des enjeux de pure technique. Ça va être des débats autour des lois sur l'imposition, par exemple, sur le domaine fiscal, etc. L'autre possibilité, l'autre raison éventuelle de ce déclin de l'éloquence politique, c'est que le débat aujourd'hui se situe ailleurs qu'à l'Assemblée nationale. Il se situe surtout à la télévision. Souvent, les hommes politiques cherchent à briller davantage à la télé plutôt qu'à l'Assemblée. Et on peut observer souvent une corrélation entre l'absentéisme à l'Assemblée nationale et la célébrité. Hein. Les plus connus ne sont pas forcément ceux qui sont les plus assidus à l'Assemblée nationale. Ensuite, une autre hypothèse peut-être, c'est lié à cette seconde hypothèse, c'est que la médiatisation conduit à placer les députés en surveillance. En liberté, pardon, surveillée. Qu'est-ce que j'entends par liberté surveillée ? Ça veut dire que peut-être que les députés prennent de plus en plus de précautions, qu'ils s'auto-censurent d'eux-mêmes parce qu'ils savent que si, dans l'euphorie, dans leur éloquence, ils disent un mot de travers, eh bien, ça pourra être relayé sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est aussi un facteur de déclin de l'éloquence au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, enfin, dernière raison, c'est que sous la Ve République, le Parlement a beaucoup perdu de son influence institutionnelle. Son rôle s'est amoindri. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel. J'en vois certains que j'ai eu en cours. Je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel, mais c'est juste pour dire que sous la Ve, le pouvoir qui a le plus de pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. C'est l'Élysée, c'est Matignon. Si bien que quand une loi va être exposé à l'Assemblée nationale, on sait en général que cette loi sera adoptée du fait de la majorité qui soutient le président. On a beaucoup entendu parler dans les médias du député Godillot pour caractériser les députés de La République En Marche. C'est vrai pour chaque président. En général, quand il est élu, ensuite, il a une majorité qui soutient sa politique. Voilà pour ce qui concerne le déclin de l'éloquence politique. Maintenant, quelques mots peut-être sur le déclin de l'éloquence judiciaire. C'est vrai qu'on associe souvent l'éloquence aux avocats. On a de grands noms qui peuvent nous venir en tête, des avocats du XXe siècle. On pense par exemple à Paul Lombard, à Jacques Vergès. Au XXIe siècle, on a encore des avocats éloquents, bien sûr. On pense à Éric Dupond-Moretti, qu'on voit souvent dans les médias. On pourrait penser aussi à Henri Leclerc, à Thierry Lévy, etc. Donc l'éloquence n'est pas morte, hein, c'est pas ce que je veux dire en parlant de déclin de l'éloquence judiciaire. C'est juste pour dire qu'on observe dans les tribunaux une place à l'oral, une place faite à l'oral qui est de moins en moins importante. Alors pourquoi ce déclin de la place de l'oral au sein des tribunaux ? D'une part, et c'est une raison très pragmatique, c'est qu'il y a beaucoup trop d'affaires et donc on n'a pas assez de temps. Et les magistrats, du coup, pressent les avocats lors de leur plaidoirie pour qu'ils aillent à l'essentiel ou pour qu'ils évoquent juste certains points et pas tous les points qu'ils comptaient évoquer. L'autre point, c'est peut-être aussi que l'éloquence judiciaire, plus que déclinée, eh bien, se transforme. De plus en plus, on a affaire non pas à un monologue de l'avocat, mais plutôt à un dialogue avec le juge. Et donc le juge va lui demander d'accentuer tel point pour préciser tel point juridique qu'il n'a pas compris, etc. Si bien que là, ça ne laisse pas vraiment place à l'éloquence, mais plutôt à un dialogue. Et quand on est dans le dialogue, on n'est pas vraiment dans l'éloquence. C'est plutôt le monologue qui participe à l'éloquence. Ensuite, comme pour les lois, j'ai dit tout à l'heure que un des facteurs du déclin éventuel de la rhétorique ou de l'éloquence pardon, politique, c'était la technicisation des lois. Et bien là, c'est la même chose. Si les lois sont de plus en plus techniques, les procès vont eux aussi être de plus en plus techniques. Et quand on est dans cette technicité, eh bien, on n'a pas l'occasion de faire de grandes envolées lyriques. Et donc là encore, l'éloquence peut décliner, l'éloquence judiciaire cette fois-ci peut décliner. Ensuite, une autre raison, c'est que le rôle de l'avocat a considérablement évolué. L'avocat d'hier n'est plus du tout l'avocat d'aujourd'hui. Il y a eu certaines réformes, il y a eu des fusions de professions, des fusions de professions entre avocats et avoués, entre avocats et conseils juridiques. Donc l'avocat n'a plus du tout les mêmes missions qu'il avait hier. Il peut exercer aujourd'hui des missions de conseil, de rédaction d'actes, de montage d'opérations juridiques, de secrétariat juridique de certaines sociétés commerciales, etc. Donc il y a peut-être moins d'avocats éloquents car ces tâches se sont multipliées et ne nécessitent pas forcément d'être éloquents pour les réaliser. Ensuite, un autre facteur de déclin toujours de cette éloquence judiciaire, c'est qu'il y a eu des réformes qui ont bouleverser un peu le procès. Je pense notamment en matière pénale et en correctionnelle. En correctionnelle, maintenant, le magistrat a la possibilité de couper l'avocat pour qu'il aille plus vite. Ce n'était pas forcément toujours le cas. D'autre part, il y a une réforme, et je vais terminer par là, depuis 2004, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle le plaidé coupable en correctionnelle. Le plaidé coupable, c'est pour les délits qui sont punis d'une peine de moins de 5 ans. Et donc, à ce moment-là, la personne plaide coupable. Et donc, si elle plaide coupable, évidemment, l'avocat a moins de travail à faire. Il ne peut pas défendre cette personne. Et donc, son rôle se réduit considérablement. Donc voilà, avant même de préciser certaines définitions, je voulais revenir sur ce paradoxe où on voit l'éloquence d'un côté qui monte et de l'autre côté le déclin de certaines éloquences, l'éloquence politique, l'éloquence judiciaire. Alors sur maintenant les définitions, la définition peut-être de l'éloquence, je vais être beaucoup plus bref parce que Pauline déjà en a pas mal parlé. J'adopterai peut-être une définition négative d'une part et une définition positive d'autre part. La définition négative, ça renvoie à ce que l'éloquence n'est pas. L'éloquence, ce n'est pas la rhétorique. Pauline l'a dit. C'est vrai que la rhétorique, ça renvoie peut-être davantage à de la théorie, à des règles qui sont posées, alors que l'éloquence renvoie à la pratique, à l'application de ces règles. Ensuite, l'éloquence, ce n'est pas non plus la plaidoirie. Souvent, on opère cette confusion. La plaidoirie, c'est vraiment l'action de plaider, d'exposer oralement les faits lors d'un procès et de défendre les prétentions du plaideur. Et la plaidoirie, c'est quelque chose de mécanique, c'est un schéma, un raisonnement, parce qu'il y a 5 points qui sont des parties obligées dans la plaidoirie. Le premier point, c'est l'exorde, c'est l'introduction. Le deuxième point, c'est la narration des faits. Le troisième point, lors d'une plaidoirie, c'est la confirmation, c'est-à-dire on apporte la preuve que son client n'est pas coupable. Le quatrième point, c'est la réfutation, où là, on va justement contredire les arguments de l'adversaire. Et enfin, le cinquième point dans une plaidoirie, c'est ce qu'on appelle la péroraison, c'est la conclusion. Voilà. Donc, on voit que la plaidoirie, il y a tout un mécanisme, il y a tout un schéma, et qu'au cours d'une plaidoirie, eh bien, l'avocat peut ne pas être éloquent. Il y a bien une distinction entre les deux. Souvent, en droit, on confond, enfin, en droit ou ailleurs, on confond concours d'éloquence et concours de plaidoirie, justement. Le concours d'éloquence, c'est ce qu'on a eu la semaine dernière en droit à l'Université d'Angers et hier pour la finale au Quai. C'est des étudiants qui, ou un candidat d'une manière plus générale, qui va avoir un sujet qui lui sera posé, souvent un peu loufoque, et il devra y répondre. J'ai quelques exemples de sujets. Il y a eu, par exemple, le fruit du hasard est-il comestible ? Le silence peut-il être mal entendu ? Avoir le bras long empêche-t-il de tendre la main ? Voilà, c'est des genres de sujets où le candidat doit briller par son éloquence, et souvent on va davantage noter la forme plutôt que le fond. Un concours de plaidoirie, c'est l'inverse en quelque sorte. On va davantage s'attacher au fond qu'à la forme. Et un concours de plaidoirie, c'est en général une affaire juridique, donc réelle ou fictive, où des parties vont s'opposer. L'un va défendre une position et l'autre va défendre une autre position. Alors en droit, j'ai l'exemple par exemple du concours de droit international. C'est le concours le Charles Rousseau. C'est le plus grand concours international francophone qui existe. L'année dernière, il était organisé au Bénin, l'année d'avant à Cuba, et cette année, exceptionnellement, il sera organisé à Angers, début mai, à la faculté de droit d'Angers. Venez, hein, si vous voulez y assister. C'est vraiment ici un procès, en fait, un procès fictif en droit international, et on a une partie, enfin, des plaideurs de l'un et de l'autre côté qui représentent des États différents. Voilà pour ce que n'est pas l'éloquence, donc la définition négative, ce n'est pas de la rhétorique et ce n'est pas non plus la plaidoirie. Alors qu'est-ce que c'est l'éloquence ? J'ai repris la définition du dictionnaire, en fait, tout simplement, je ne sais plus exactement lequel, mais l'éloquence, c'est la manière de s'exprimer de façon à émouvoir et persuader par le discours. Alors moi, j'y vois deux éléments. C'est de dire que l'éloquence, c'est une élégance persuasive. Une élégance, d'une part, ça renvoie à une dimension, à une approche esthétique, et persuasive, d'autre part, ça renvoie à une dimension beaucoup plus pragmatique. Sur la dimension esthétique, le fait de dire que l'éloquence, c'est finalement le beau discours, il y a plusieurs moyens d'exprimer ce beau discours. Alors, il y a différents ressorts. Bien évidemment, on pense au fait d'avoir un vocabulaire fourni. Je vous évoquais tout à l'heure la péroraison, le dernier acte de la plaidoirie. Ça, c'est un terme qu'aiment beaucoup les avocats, parce que ça fait bien et parce que ça enrichit le vocabulaire. Ils n'aiment pas qu'on utilise le terme de conclusion, ils parlent de péroraison. L'autre technique possible, c'est le fait de mobiliser, pour avoir un beau discours, de mobiliser des textes littéraires. Et là, on pense peut-être naturellement, en femme politique, à Christiane Taubira. Christiane Taubira s'est souvent illustrée à l'Assemblée nationale lorsqu'elle était ministre de la Justice, quand elle devait terminer ses discours par des citations de poètes. Par exemple, le poète Léon Gontran Damas, qu'elle a cité lors de l'ouverture des débats sur la loi pour le mariage pour tous, ou encore Nietzsche, qu'elle a cité à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous, encore une fois. Donc on voit d'une part que l'éloquence se caractérise par cette dimension esthétique et d'autre part donc cette approche pragmatique. L'éloquence, c'est aussi non pas seulement le bien parler, mais l'art de persuader. L'art de persuader, je parle volontairement de persuader, mais non pas de convaincre. Pourquoi ? Parce que persuader, ça convoque les sentiments. C'est un appel qui est fait aux sentiments, alors que le verbe convaincre renvoie davantage à la raison. L'éloquence parle davantage aux sentiments. J'évoquais tout à l'heure le déclin de l'éloquence judiciaire. Alors c'est vrai d'une manière générale, mais il y a une exception quand même à ce déclin en matière judiciaire, c'est la cour d'assises. Au sein de la cour d'assises, il y a toujours cette éloquence. Pourquoi ? Parce que dans la cour d'assises, il y a un jury populaire qui sont tirés au sort. Donc ça peut être vous, vous l'avez peut-être déjà été. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément juristes. Et donc là, l'avocat a tout intérêt, surtout que dans les procès d'assises, le magistrat a l'interdiction de couper l'avocat. Il ne peut pas le couper. Donc l'avocat peut parler autant qu'il veut. Et là, puisque le jury n'est pas juriste, l'avocat a tout intérêt à faire appel non pas à des raisonnements juridiques hyper techniques, hyper compliqués, mais plutôt à faire appel justement au sentiment. Alors par exemple, si son client, on constate que de toute façon il va être condamné, l'avocat va essayer de jouer sur le registre de l'émotion en insistant sur la personnalité de l'accusé, sur son histoire, sur la vie difficile qu'il a pu avoir, sur la sincérité de sa prise de conscience, sur ses remords, etc. On voit que l'avocat peut faire appel au sein des procès des cours d'assises au registre de l'émotion. Enfin, la dernière approche, et je terminerai là, promis, la dernière approche pour caractériser l'éloquence au-delà du beau discours et au-delà du discours fait pour persuader, c'est une approche cette fois-ci peut-être large, c'est le fait que l'éloquence, c'est avant tout retenir l'attention. C'est peut-être le point fondamental. Est éloquent quelqu'un qui retient l'attention, quelqu'un qui donne envie de l'écouter. Et là, peut-être que le ressort de l'humour est important. Alors, quand on pense à l'humour, moi, je pense au BDE, justement, parce que dans la grille évaluative, pour évaluer les candidats au concours d'éloquence, je fais partie du jury, et en fait, dans le jury, dans la notation, il y a 3 points qui sont consacrés à l'humour, par exemple. Donc, l'humour peut faire partie de l'éloquence. On peut penser aussi au discours de Jean Lassalle à l'Assemblée nationale. Je vous invite à regarder sur YouTube, il y a quand même des séquences qui sont vraiment drôles. Je regardais ça hier soir en préparant l'intervention. On le voit à un moment donné où il explique aux députés qu'il a été soumis une fois à des tests psychotechniques et que dans son enfance, il a été aussi soumis à des tests de QI qui ont finalement révélé qu'il avait à peine plus de 0 de QI. Et là, tous les députés, les sénateurs, enfin les députés, pardon, rigolent de c'est même pas des blagues, c'est finalement son ressenti ou son expérience. L'avantage de cette définition large, le fait de définir l'éloquence comme le fait de retenir avant tout l'attention, c'est que ça permet de s'interroger sur une éloquence qui ne serait pas forcément ou uniquement orale. Peut-être que l'éloquence, c'est aussi, et t'en as parlé brièvement, c'est l'éloquence du geste. Par exemple, on a l'illustration au sein d'un concours d'éloquence, c'est peut-être le concours d'éloquence le plus connu en droit, c'est la conférence Berryer. C'est un concours d'éloquence qui est rattaché au barreau de Paris. Eh bien, une année, ils avaient invité le mime Marceau. Et le mime Marceau avait mimé un procès jusqu'à l'exécution du condamné. Et tout le monde avait été captivé alors qu'il n'avait pas prononcé un mot. Donc on voit bien que l'éloquence n'est pas forcément une éloquence orale, elle peut être aussi une éloquence gestuelle. Voilà. Merci Jimmy. En tout cas, il y a quelque chose de théâtral. Du coup, c'est bien qu'on soit là. De ces définitions, il y a quelque chose à la fois excluante et à la fois englobante de l'éloquence. Il y a quelque chose qui jaillit d'une vraie question entre la forme et le fond. Est-ce qu'il y en a un qui prime sur l'autre ? Et qu'est-ce que le fond et qu'est-ce que la forme finalement ? Est-ce que la forme, est-ce le fond qui remonte à la surface ? Excusez-moi. Alors, pour débuter mon propos, étant premier dans l'ordre de passage des deux interventions relatives à la citation de Victor Hugo, « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface », je ne dois pas essayer ici de démontrer à l'avance que mon éminent concurrent Anatole a tort, mais bien que j'ai raison, c'est une autre manière de dire, me direz-vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cher public, chers amis IES, écriture inclusive oblige, bonjour. Il y a quelques semaines, en tant qu'ancien finaliste du concours d'éloquence de la faculté de droit d'Angers, j'ai été contacté pour participer à cette conférence « Vivre les mots, vive les mots, l'éloquence, parlons-en ». Mais alors contacté pour quoi faire ? Eh bien contacté pour participer à cette conférence et pour répondre à Monsieur Victor Hugo himself, répondre par la positive à ça, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Anatole Jouet, lui, se chargera pour sa part de la négative. Pas simple quand il s'agit de contrarier l'auteur des Misérables. Si tu risques d'écorcher, Anatole, la validité de son propos, rassure-toi, on pardonne tant que l'on aime, disait François de la Rochefoucauld. Pas certain cependant que ce dernier, dans les couloirs du paradis, ait pardonné à la mairie d'Angers d'avoir baptisé de son nom le plus grand parking gratuit de la ville. Alors, dans le temps de préparation qui m'était imparti, je me suis entaché d'étudier. Je me suis entaché de décortiquer ces notions, mais je dois vous avouer la difficulté que j'y ai éprouvée. Pourquoi Victor Hugo a raison ? Eh bien, parce que Victor Hugo. Et ce n'est pas Claude Gueux, misérable travailleur de la mer d'origine norvégienne, condamné à mort en l'an 93, ni Pierrot et son pote Ursus qui diront du mal de lui. Or, en sachant que je ne pouvais me contenter de cela, je décidais de fouiller dans les antres de l'Internet. Et là, eh ben, il a patatras. Car je découvre qu'une conférence a été réalisée. Oui, messieurs, dames, une conférence de 57 minutes sur cette propre citation. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. L'aubaine. Eh ben, bien mal m'en a pris. Non pas que mon esprit de juriste en herbe soit remonté à la surface lui aussi. Le plagiat, c'est pas bien. Mais premier problème, la conférence était réalisée à l'Institut parisien du cerveau et de la moelle épinière. Second problème, au bout d'une minute, l'intervenant expliquait, préparez-vous, qu'il voulait fabriquer un objet qui serait créé par hologramme de forme géométrique et stricte et qu'au fur et à mesure, il se gonflerait, car étant recouvert d'une fine peau en élastomère, il se gonflerait d'air contenant un principe actif pour que, suite à cela, l'objet de forme parfaitement octogonale en devienne presque biforme. Au secours. Je compris rapidement que là n'était pas le sujet. Or, le piège de YouTube m'a amené à regarder une vidéo de plus de 15 minutes dans laquelle un chat, en ayant la tête coincée dans un bocal, essayait de se libérer. Enfin bref, cher public, un cruel manque d'inspiration. Alors, au fur et à mesure de ma réflexion, les idées, les arguments sont apparus. Tout d'abord, sachez, cher public, que c'est bien. C'est pas trop mal quand même d'avoir un peu de fond dans votre intervention. Car si on part du principe qu'en remontant à la surface, il se formera ce que Monsieur Victor Hugo appelle la forme, eh bien, si le fond est vaseux, vivement ou pas, qu'il remonte à la surface. À l'inverse, si un discours est bien construit, est bien préparé, est bien argumenté, avec de belles citations, avec de belles illustrations, eh bien, si celui-ci remonte à la surface, eh bien, alors là, c'est le banquier qui vous ouvre les coffres. C'est gagné. À travers cette image, voyez que la forme, c'est surtout la conséquence de ce qu'est en lui-même le fond. Alors un conseil, cher public, noyez plutôt le poisson à défaut d'y noyer le fond. À présent, la difficulté de l'approche quasi scientifique, je dois vous l'avouer, de la question, m'empêchait de trouver le sommeil. Et là, au cours d'une nuit paisible, j'eus une révélation. Et si la science politique pouvait venir à mon secours. Donc je vois vos yeux, vous devez sans doute vous demander ce que ça vient faire là, ce truc-là. Eh bien, sachez que mes divers cours de droit ont finalement servi à quelque chose. Rassurez-vous donc, contrairement à certains ou certaines, l'argent public dépensé pour rémunérer mon professeur aura été dépensé honnêtement. Et si au final, la relation entre le fond et la forme était une relation entre ce que l'on appelle le signifiant et le signifié ? À vos encyclopédies, cher public. Le signifiant, c'est lorsque l'émetteur, en l'occurrence moi-même, émet un signe ou un ensemble de signes. Le signifié, lui, c'est lorsque le récepteur, en l'occurrence vous-même, comprenez, réceptionnez ce ou ces signes que je vous adresse. Alors, selon vous, la forme est-elle le signifiant, ou bien est-ce le fond qui l'est ? La forme ne serait-elle pas plutôt le signifié, ou bien est-ce le fond qui l'est ? En vérité, ne vous compliquez pas la vie, car il n'y a pas de réponse. Lorsque j'émets un signe, eh bien là, vous avez tous regardé mon bras. Vous avez tous regardé mon bras quand il s'est levé, sans exception. Eh bien là, vous avez tout compris. Je m'expliquais, rassurez-vous. Ce signe que j'ai émis fait partie intégrante de mon discours, de son fond comme de sa forme. Ce que je veux vous démontrer, c'est que le signe que j'émets et que vous réceptionnez, eh bien, il entre dans le cœur de ce discours en tant qu'il cherche à en représenter la substantifique moelle. Tout comme vos regards à tous, au moment où j'ai levé le bras droit, vos yeux levés démontrent que vous êtes attentifs. Vos yeux sont attentifs, mais également votre cerveau, donc vous êtes disposé à m'écouter. Et votre cerveau, en captant que tel ou tel élément est important, vous dit de le faire et ainsi vous exécutez. D'un point de vue purement technique, à présent, Victor Hugo d'ailleurs le sait bien, le fond et la forme ne font qu'un. Ce dernier dira d'ailleurs dans L'utilité du beau, le fond, c'est la forme. La forme narrative d'un discours, d'un écrit, consiste à raconter une histoire. La forme descriptive consiste à décrire un lieu, un personnage. La forme informative, elle, consiste à transmettre un lot d'informations ou un lot de connaissances. Immanquablement, vous voyez bien que la forme se reflète dans le fond du discours ou de l'écrit. En revanche, je vous préviens d'une chose. Je vous préviens que ce n'est pas pour cette unique raison qu'il faut y délaisser la forme sous prétexte qu'elle n'est que le reflet du fond. Parce que un manque complet de matière dans votre discours engendre une forme d'autant plus inexistante, ce qui vous placera inexorablement dans une position telle celle de Laurent Wauquiez en ses heures sombres, dans la merde, si vous me pardonnez l'expression. A l'inverse, si la forme manque d'inspiration, mais que la matière est d'une solidité inébranlable, et bien alors là, l'improvisation sera votre meilleur allié. Et cela vous placera dans une position telle celle d'un Fabrice Lucchini à qui l'on demande de réciter le corbeau et le renard en verlan, à l'envers pour les quinquagénaires de cette assemblée. Donc, au final, pour conclure, Victor Hugo avait raison, au-delà du fait que Victor Hugo a toujours raison. Après cette démonstration, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire que Monsieur Victor Hugo ait raison ou non, au final, on s'en fiche, peu importe. Peu importe pourquoi, parce que l'important, ce n'est ni la forme, ni le fond. L'important dans l'éloquence, c'est le courage. C'est la confiance, c'est la conviction. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que lorsque l'on doit convaincre, on convainc avec le cœur, et ça, ça ne se prépare pas. Quoi qu'il en soit, faites apparaître votre personnalité. C'est ça et uniquement ça. La forme de votre discours, c'est vous. Ayez confiance en vous, car comme disait Jean-Claude Van Damme, un temps acteur, un temps chanteur, un temps philosophe, un temps sportif de haut niveau, un temps initiateur de la théorie du néant, dans tous les sens du terme, lui-même disait « Si tu as confiance en la confiance, alors tu deviens confiant. » Et ça, c'est beau. Merci de votre attention. Dans vos études, vous êtes probablement passé par l'étape du commentaire composé. S'il y a un conseil que vous ayez retenu, c'est celui vous encourageant à ne jamais dissocier, sous aucun prétexte, la forme du fond. Aujourd'hui, et ce même si vos pensées, je suppose et espère pour votre bien-être, sont loin du baccalauréat, vous allez songer à ce que vous avez gardé de cette expérience. Vous allez surtout songer à cette retentissante question « Que veut dire l'auteur ?» Puis à cette autre « Comment le dit-il ? » Vous vous apprêtez à me rétorquer, et je ne peux vous contredire, qu'il apparaît quelque peu ardu de se figurer cette situation sans un support quelconque. Et les souvenirs sont vagues. Vous avez perdu ces automatismes parce que vous ne pratiquez plus, ou êtes tellement concerné qu'il vous manque ce recul nécessaire, ou encore, s'il est des plus jeunes parmi nous dans la salle, parce que vous avez eu, pour le moment, la chance de ne pas y avoir été confronté. Et je crois que seul mon frère est concerné par cette allusion. Cependant, si je vous soumets cette image, c'est parce que je la croyais remplaçable, car isolée dans son fonctionnement. Lundi, vous irez étudier, travailler, vous resterez chez vous, qu'importe. Vous parlerez, et c'est ce qui retient mon attention. Vous y mettrez les formes, comme le veut l'expression, plus ou moins consciemment, selon votre public. Vous mentirez avec malice, direz la vérité sans adrénaline, vous excuserez faussement. Je n'ai pas une mauvaise image de vous, non. Vous maîtrisez tout cela mieux que moi. Vous connaissez en temps réel le fond de votre pensée. Alors pourquoi le questionner ? Tout comme le peintre a l'intime conviction qu'il veut réaliser un autoportrait, sans savoir encore quelle expression du visage se donner, ou bien quelle image il veut renvoyer, vous savez ce que vous allez dire, mais vous ne savez pas encore comment. C'est, en vulgarisant quelque peu, les premiers procès qui ont été faits à la rhétorique, de n'être qu'un outil de manipulation, d'exister seulement pour masquer un raisonnement superficiel, voire incohérent. L'histoire de la pensée valorise contradictoirement l'éloquence. Platon rattache la persuasion à l'apparence et à l'opinion par opposition au vrai, assimilant même la rhétorique à la flatterie. Aristote en fait au contraire un complément indispensable, au même titre que la dialectique. Pour prendre un exemple plus récent, la rhétorique a même été retirée de l'enseignement au début du XXe siècle suite aux nouvelles réformes sur l'école de 1902. Je ne crois pas que la forme permette au fond de remonter à la surface. Non pas que je ne te fasse pas confiance, non, ce n'est pas cela. Seulement, j'ai entendu ceux qui se battent pour la forme, ceux qui cherchent à nous convaincre que l'enrobage sublime l'essence, que l'envolée lyrique révèle la substance, que se gargariser n'est pas synonyme de suffisance. Je les ai entendus s'écouter, jouant des rimes pour s'attirer une illégitime bienveillance. Moi aussi, j'ai fait semblant, comme vous tous, ici présents. Je les ai regardés, hochant la tête pour approuver leur tournure fantaisiste qu'ils se plaisent tant à faire, ne les froissons pas. Roger Martin Dugard nous énonçait « Pour moi, le fond et la forme sont aussi distincts que le lièvre et son civet. » Et je crois cette métaphore justifiée, car qu'est-ce que la forme, sinon cette peau brillante de clémentine, éprouvante à retirer et qui contient un fruit devenu inaccessible. Mais cette peau colle. Au bout du compte, tout le monde est confronté à ce même amas de matière. Ceux qui ont lutté jusqu'au bout n'apprécieront que davantage le contenu. Mais ceux ayant abandonné n'auront même pas le privilège d'y goûter. Contrairement à cette clémentine, que l'on soit passé outre la forme ou qu'elle nous ait découragés, on ne peut pas recracher un discours. Alors on se nourrit de lui comme s'il y avait quelque chose à nous apprendre, comme si nous allions en ressortir grandis. La naïveté nous exalte. Nous ressentons ce paradoxal besoin d'être tutorés pour mieux comprendre. Qu'importent les mots, pourvu qu'ils soient beaux. Cet après-midi du 24 février 2018 ne déroge pas à la règle. La zone de confort est trop appréciable pour s'en extraire, alors poursuivons sur cette voie. Comment vous distraire en reniant les jeux de mots ? Comment vous émouvoir en ôtant les métaphores ? Comment nous rendre sages sans avoir recours à l'image ? Chaque instant de notre vie se duplique pour être interprété avec davantage d'aisance. Chaque fait brut appelle une préalable connaissance. Pourtant, pour corroborer mon propos, il me faut mettre à mal cette superficialité perverse et discréditer la forme, objet de la controverse. Revenons-en pour cela à mon premier exemple, celui du commentaire composé, que je présentais comme isolé. L'écrit, bien que mêlant la forme au fond, possède cette capacité d'être physique, autrement dit récupérable, au contraire de la forme orale. Constat évident, allez-vous me dire, sauf qu'il est primordial pour répondre à notre sujet. Nous parlons bien plus que nous écrivons. Pour être plus précis, nous écrivons en moyenne une minute pour 19 de paroles. En d'autres termes, nous n'avons de recul sur la forme que 5% du temps, contrairement aux 95% du temps où la forme nous submerge. Si celle-ci permettait au fond de remonter à la surface, alors nous ne l'apercevrions même plus. Je vous encourage à faire cette expérience, à décortiquer les propos de votre interlocuteur, à le faire jouer en se mettant à sa hauteur, à le décontenancer pour faire éclater sa candeur. Un jour, lequel, qu'importe, Jean devait faire un discours sur l'importance de la félicité. Jean devait convaincre. Jean devait survolter l'assemblée. Telles étaient les consignes qui lui avaient été données. Mais Jean craignait le public. Jean n'était pas très éloquent, Jean n'était pas charismatique, Jean n'avait pas l'éthos d'un orateur, Jean ne s'aimait pas. Mais Jean savait faire de ce qui s'apparente à des défauts une force unique. Il savait faire émerger de sa prétendue faiblesse une sensibilité insolite et personnelle. Alors Jean s'avança, vacillant, mais d'ores et déjà aimé. Chaque mot fut précis, sensé, évocateur, audible, palpable. Chaque oreille de son auditoire fut charmée. Il ne se perdait pas dans des énumérations comme celles qui précèdent. J'ai conservé, en guise de modèle et de souvenir, un extrait du discours qu'il prononça à la Sorbonne le 8 mars 2013, lors de la CNDO, la Conférence nationale de la discrétion oratoire. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui n'ont pas pu venir. Bonjour à ceux qui auraient voulu venir. Bonjour à ceux qui n'ont jamais eu l'intention de venir. Bonjour à ceux qui viennent voir Kerry James ce soir et qui, constatant la gratuité de cette conférence, se sont égarés. C'est bien d'être là, j'aime bien. Et j'aimerais que vous le soyez aussi, car c'est beau d'être heureux. Vous allez me dire que c'est caricatural, que je me moque, que je tourne ces propos en dérision. Que nenni ! J'admire Jean. J'admire sa simplicité, sa capacité à se sublimer sans se mentir à lui-même, à faire passer ses idées sans se travestir. Car n'est-ce pas la vraie forme, finalement ? Celle qui n'est pas, ou plutôt celle que l'on ne fait que suggérer sans imposer ? Celle qui habille sans trahir ? Je crois que Jean a raison. Je crois que le fond n'a pas besoin de la forme pour remonter à la surface, qu'il est autonome, limpide et frappant, qu'il ne noie pas, tout simplement. Bravo, merci beaucoup. Je vous ferai passer les grilles d'évaluation, si vous voulez, pour, pour remettre le prix tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas du coup si vous répondez par la positive ou par la négative, mais je trouve que les deux sont bien convaincants. Bravo, merci beaucoup. On va passer à l'aspect critique de l'éloquence, même si elle a déjà été, cet aspect a déjà été un peu abordé par bribes, mais voilà, un véritable aspect critique. Je crois qu'il y a tout un procès, et peut-être 5 procès même, que Pauline veut faire à l'éloquence. Merci beaucoup. Alors, plutôt à la rhétorique, l'éloquence va mieux s'en sortir. Non, mais tout le monde n'aime pas la rhétorique, et cela ne date pas d'hier. Les Grecs nous ont légué la rhétorique, mais aussi la méfiance de cet art, donc de cet artifice. La peur d'un langage manipulateur et menteur. La fascination-répulsion devant les pouvoirs du langage et devant le mystère de la persuasion qui nous fait faire des choses que nous ne voulions pas faire peu avant. Savoir amener autrui à penser ce qu'il ne pensait pas juste avant grâce à des idées et à une agitation de passion, cela procure en effet un pouvoir suspect. Et il y a bien une connotation péjorative qui entache le mot de rhétorique. Pensons à l'un de ses emblèmes, Tartuffe. Ce qui est intéressant, entre autres, dans la pièce de Molière, c'est que Tartuffe est démasqué par une femme, pas sa mère, mais la femme d'Orgon, Elmire. Je vous écoute dire, et votre rhétorique, en termes assez forts, à mon âme, s'explique. Or, il faut savoir que les femmes, à l'époque, n'avaient pas accès à une formation de rhétorique. C'est pourquoi, en l'occurrence, elles pouvaient voir juste. D'où une série de procès qui ont pointé tour à tour différents problèmes posés par l'exercice de la rhétorique. L'un des premiers procès, et le plus radical, est celui de Socrate et de Platon contre la rhétorique. On le lit dans le dialogue Gorgias. Gorgias, qui donne son nom au dialogue, est un rhéteur sicilien que Socrate interroge pour connaître le secret de son art. Il en ressort plusieurs griefs contre la rhétorique. Le premier est de chercher à plaire et à flatter, comme la cuisine qui nous flatte le palais, à la différence des potions amères de la médecine qui guérit. Et ensuite, autre grief, de parler de ce qu'on ne connaît pas, d'être plus éloquent que les spécialistes et les experts. À l'inverse, Socrate est reconnu par les jeunes gens qui suivent son enseignement comme un être extrêmement éloquent, mais éloquent à la façon du Silène, repoussant de forme, délicieux de fond. L'ironie qu'il pratique n'en est pas une petite preuve. Notamment l'exorde qu'il propose pour son apologie quand il doit se défendre face à ses accusateurs en est un chef-d'œuvre. Quel effet mes accusateurs ont pu produire sur vous, hommes d'Athènes ? Je n'en sais rien. Mais en ce qui me concerne, j'ai failli oublier qui je suis, tant leur discours était persuasif. Et pourtant, il n'y a pour ainsi dire pas un mot de vrai dans ce qu'ils ont dit. Socrate est bien un habile parleur, à condition de définir comme habile parleur celui qui dit la vérité. Or, il ne cessera de dire la vérité à ses juges dans son apologie, ce qui ne fera que leur déplaire et lui vaudra la mort. Éloquence contre rhétorique. Certes, pour Platon, il pourrait exister une rhétorique bonne, mais à condition de vouloir guider les citoyens vers le juste et le bien, et non de leur plaire seulement. Et donc, pour cela, il faudrait connaître leurs âmes, et évidemment connaître le vrai. Autant dire que, sous le soleil, cette rhétorique paraît bien compromise. Et pourtant, il faut bien vivre ensemble et prendre des décisions. Il faut y arriver sans forcément connaître à coup sûr la vérité et le souverain bien. Alors c'est Aristote qui sort la rhétorique de cette condamnation presque radicale. Il explique au début de son enseignement sur la rhétorique pourquoi la rhétorique est utile. Elle est utile comme technique. Et Aristote aborde la rhétorique vraiment comme un moyen. Non pas comme l'art qui va nous rendre persuasifs à coup sûr, mais l'art de connaître ce qui, dans une cause, peut être persuasif. Et c'est une technique moralement neutre qui peut être bien ou mal utilisée. Mais Aristote rappelle tout de même que le vrai et le juste ont une plus grande force naturelle que leur contraire. Et si un avocat a le dessous, c'est qu'il doit être mauvais. Le bon avocat doit pouvoir donner à la bonne cause et à la cause toutes ses chances. Aristote rappelle aussi que la science n'est pas éloquente et qu'il faut savoir la vulgariser. Donc la rhétorique est quand même nécessaire. Et surtout, comme on l'a dit, certains domaines échappent à la connaissance scientifique. Et il faut argumenter sur le vraisemblable, l'opinion commune, ce qui arrive communément. C'est là-dessus qu'on construit les raisonnements rhétoriques. Et il faut aussi connaître la façon de penser de l'autre. Il faut aussi prévoir ses opinions. D'où un exercice d'argumentation vieux comme le monde, in utramque partem, où il faut examiner le pour et le contre, celui que viennent de faire nos deux orateurs. Un deuxième procès fait à la rhétorique est le divorce entre la langue et le cœur. Nous sommes tous sensibles à des mots qui sonnent vrais, nous l'avons été avec Anatole. Nous sommes sensibles à l'impression que l'orateur croit ce qu'il dit, la confiance de Jules. Un autre exemple, c'est l'exemple du paysan du Danube de La Fontaine. Il vient en plein Sénat reprocher vertement aux Romains leur cupidité de colonisateur. À la fin de son discours, le paysan, qui a parlé de façon véhémente, s'attend à être condamné à mort et il attend avec morgue le châtiment de sa sincérité. Mais pas du tout. On lui fait un triomphe parce qu'il a bien parlé. Il a été énergique et les Romains ont été séduits par la force de son style. Il était énergique parce qu'il était sincère. Et à la place de le punir pour le fond, les Romains l'applaudissent pour la forme. Pour La Fontaine, ce paysan du Danube, qui est un lointain descendant de Socrate, est l'emblème de l'éloquence du cœur. Et la servante de sa franchise, qui est un premier pas vers la vérité, c'est la langue sincère qui l'a rendu passionné. Troisième des procès les plus fréquents de la rhétorique, c'est celui de la pensée toute faite, justement. D'abord, c'est un vieux procès contre les lieux communs. La rhétorique a été enseignée assez rapidement comme un système, avec notamment des listes, parfois très longues, de lieux, c'est-à-dire des catalogues de raisonnements et des arguments qui peuvent aider à trouver assez rapidement les bonnes ressources à utiliser dans une cause. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on avait à dire, l'invention, on va chercher dans un arsenal d'arguments qui sont censés bien fonctionner en fonction d'un type de cause, ce qui va pouvoir convaincre. Mais évidemment, ces cadres peuvent, à l'inverse, empêcher de penser. Et ils ont transformé, très souvent, les élèves en perroquets savants. Le rhétoricien est aussi traditionnellement assimilé aux sophistes, hein, capables de construire des raisonnements qui ont l'air justes et sont en réalité fondés sur des bases truquées. Vous connaissez le sophisme, tout ce qui est rare est cher, or un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Moins caricatural, mais très courant en politique, on peut diviser la réalité en deux. Il faut augmenter ou baisser les impôts. On oublie juste de dire qu'ils pourraient rester au même niveau. À ces fausses logiques et à ces fausses fenêtres, on a opposé une logique rationnelle, claire, et notamment au XVIIe siècle, avec Descartes, et avec une éloquence nouvelle qui se moque de l'éloquence avec Pascal, auteur de l'art de conférer. On ne veut plus se laisser jouer par les mots. D'où le quatrième procès fait à la rhétorique, les sortilèges du style. Les fleurs d'éloquence, synecdoque, catacrèse, périphrase, antonomase. Les ornements ne doivent pas cacher le vide de la pensée. Le langage fleuri des précieuses que Molière ridiculise, non pas les bonnes précieuses, peut être ridicule. Mais celui de Cyrano de Bergerac, on l'a bien ressenti, est plein d'une éloquence amoureuse et son bouquet sent bon. Dernier procès. Faut-il condamner la rhétorique pour ringardise ? À quoi sert de former des élèves à rédiger des discours de grands personnages de l'Antiquité ou du XIXe siècle si ensuite ils veulent devenir ingénieurs, médecins, architectes, je ne dis pas, commerçants, avocats, juges, car à ceci la rhétorique reste utile. La fin du XIXe siècle, Anatole l'a rappelé, a évacué la rhétorique des programmes scolaires en même temps que le latin et le grec comme inadaptés au monde moderne. Aujourd'hui, la rhétorique paraît aussi inadaptée aux nouvelles formes de communication. L'écrit se diffuse très vite, le temps de parole se fragmente beaucoup, mais faut-il se contenter d'un monde de slogans ? Et pourquoi éprouvons-nous aujourd'hui tant de bonheur à écouter pendant 2h40 l'éloquence magnifique de Cyrano ? Sans doute, c'est parce que la rhétorique a gagné ses procès. Il faut dire qu'elle avait de bons avocats. Après les procès faits à la rhétorique, donc là, on décide plus de s'intéresser à l'éloquence et à savoir s'il n'y a pas des limites et si elle n'est pas parfois excluante et discriminatoire. Oui, pour cette partie critique de l'éloquence, je vais lier finalement à mes domaines de recherche parce que je suis spécialiste du droit des discriminations. J'ai fait une thèse sur la non-discrimination en droit. Et oui, en travaillant cette manifestation, je me suis rendu compte que l'éloquence ou le trop d'éloquence, en tout cas, pouvait être vu comme discriminatoire ou à tout le moins pouvait exclure. On constate d'une part une exclusion générale et puis une exclusion un peu plus spécifique. Sur l'exclusion générale, d'une part. C'est une évidence, l'éloquence peut exclure parce que tout le monde ne naît pas éloquent. Il y a dans l'éloquence, au-delà du travail qui peut être fait par l'intermédiaire de la rhétorique, une part d'inné, une part de don. Et certaines personnes ont la chance d'avoir naturellement du charisme, de l'aisance, une capacité à focaliser l'attention et les regards, d'autres non. Tout le monde ne peut pas être Christiane Taubira ou Charles de Gaulle, c'est cruel, ou pas d'ailleurs, mais c'est comme ça. Il y a en ce sens un exemple intéressant dans l'histoire parlementaire française, c'est dans la période de la Restauration, où on a voulu à l'Assemblée nationale interdire les discours écrits. On voulait vraiment laisser le champ libre à l'éloquence au sein de l'Assemblée. On considérait en effet que les discours écrits prenaient trop de temps, qu'ils ennuyaient, qu'ils ne permettaient pas vraiment le débat. Or, cette interdiction du discours écrit, eh bien, elle n'a jamais abouti, notamment parce qu'on a considéré justement que tous les hommes politiques n'avaient pas forcément le même talent oratoire. Il faut dire aussi, à l'époque, donc sous la Restauration, on avait peur d'accorder vraiment trop de place à l'éloquence. On avait encore le souvenir de Robespierre et de la terreur qui ont marqué les esprits. Robespierre, on lui a reproché d'avoir voulu régner par l'éloquence. Donc oui, l'éloquence crée une rupture d'égalité entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Au-delà de cette question de l'inné, du don, il ne faut pas ignorer que l'éloquence peut être discriminatoire en ce que le fait de parler, avant même de délivrer un message, révèle qui l'on est. La voix, notre voix, peut en effet révéler beaucoup de choses, notre culture, notre condition sociale, notre personnalité, notre caractère, etc. Et donc la parole est un marqueur social redoutable. Elle peut donc accroître ou au moins perpétuer les inégalités en enfermant les personnes dans certains déterminismes. Et là, je peux prendre l'exemple à nouveau du film Le Brio ou encore le film À voix haute qui sont sortis récemment. Ces films évoquent la façon de parler de certains jeunes de banlieue. Et on voit que l'importance accordée à l'oral peut donc en exclure certains, ceux qui n'entrent pas dans les canons classiques de ce que l'on considère comme relevant de l'éloquence. Donc il y a dans cette exclusion générale par l'éloquence deux types d'exclusion, celle qui relève du don, de l'inné, et puis celle qui relève, qui est liée à la condition sociale et qui est beaucoup plus structurelle. Maintenant, sur l'exclusion qui est peut-être un peu plus spécifique. J'aurais pu parler, pour illustrer cette exclusion spécifique, de ceux qui ont un accent, par exemple, un accent du Sud. On peut en effet être jugé comme moins éloquent si on a un accent du Sud. Alors, pour me contredire, on pourrait prendre les exemples de Charles Pasqua ou de Jean-Claude Gaudin au niveau politique, c'est vrai. Néanmoins, si je parle de ça, c'est pas de manière anodine. Hein. C'est parce qu'il y a une étude qui a été menée au Royaume-Uni et qui a montré que des personnes pouvaient là-bas subir des discriminations à raison de leur accent régional. Et en France, j'ai lu un article à ce propos, certains journalistes disent qu'ils ont subi des discriminations, notamment à la télé, du fait de leur accent du Sud, où on voulait un accent, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'accent parisien, mais en tout cas, on voulait une voix dite neutre. En sociologie, on appelle ça la glottophobie. Voilà, c'est juste pour l'information. On pourrait aussi parler, pourquoi pas, de ceux qui ont un cheveu sur la langue, pour dire qu'ils peuvent être discriminés parce qu'ils ne répondraient pas, encore une fois, au canon classique de l'éloquence. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces sujets. L'exclusion spécifique que j'aimerais plutôt aborder ici, elle concerne les femmes. Là encore, c'est lié à mes thématiques de recherche sur le genre, sur la théorie du genre. Il n'y a pas besoin vraiment de chercher bien loin pour illustrer mon propos. Jamais une fille n'a gagné le concours d'éloquence en droit à la faculté d'Angers. Cette année, il y avait 6 finalistes, et parmi les 6 finalistes, il n'y avait qu'une seule fille. Je vais la nommer d'ailleurs pour lui rendre hommage quand même, parce qu'elle s'est très bien sortie, c'est Mathilde Lemerle. Donc il y avait encore une fois qu'une seule finaliste, et je crois que l'année dernière, je ne sais pas, Jules, elles étaient 2. Donc... ça c'est le tirage au sort. donc oui, les filles sont très peu présentes dans les concours d'éloquence. La première femme par exemple à avoir exercé la profession d'avocate, ça a été Jeanne Chauvin en 1900 seulement. Et aujourd'hui, si je vous demande de citer par exemple des noms d'avocats, des grands noms, des ténors du barreau comme on dit, c'est masculin, ça révèle bien quelque chose peut-être, vous ne citerez probablement que des hommes. Alors peut-être y a-t-il quelques raisons à cela. D'une part, c'est que l'éloquence est traditionnellement associée dès l'origine à la chose publique, à Athènes, à Rome, et traditionnellement encore, l'homme a été associé à la chose publique, à la cité. Donc il y a une corrélation entre la place de l'homme dans la cité et celle de l'éloquence qui est au même endroit, alors que la femme a été traditionnellement reléguée au foyer, donc la sphère publique et la sphère privée. Tu as cité tout à l'heure la sentence de Caton. Alors, je vais mal le citer, parce que c'est en latin, et mes années de latin remontent. Orator est vir bonus dicendi peritus. L'orateur est un homme de bien habile à parler. Vir, en latin, ça renvoie à l'homme, mais à l'homme pas au sens générique, à l'homme opposé à la femme. Donc, on voit bien que, dès le début, est associé à l'éloquence l'homme, mais l'homme sexué, et pas l'entité générique. Ensuite, une autre raison qui peut expliquer cette exclusion des femmes de l'éloquence, c'est que de la Renaissance à la Révolution, les femmes étaient exclues de l'enseignement de la rhétorique qui était dispensé dans les collèges. Enfin, une autre raison potentielle, c'est qu'il y a peut-être dans l'éloquence des valeurs ou des qualités à avoir qui ne sont pas traditionnellement, ou en tout cas dans l'inconscient collectif, et ça relève de construction de genre, qui ne sont pas associées aux femmes. C'est le cas du parler fort, par exemple, l'idée de domination aussi, l'idée de dominer son adversaire, voire de compétition. Et ça peut jouer aussi dans cette exclusion. L'éloquence, et je terminerai par là, l'éloquence semble tellement réservée aux hommes qu'un prix a même été organisé l'année dernière par la Fondation des femmes pour récompenser l'éloquence au féminin. C'est le prix Gisèle Halimi, du nom d'une avocate et d'une militante féministe. Alors ce type de prix, je pense, pose problème. D'une part, ça peut quand même être louable parce que c'est vraiment pour compenser le fait que les femmes sont peu reconnues pour être éloquentes, ou en tout cas sont exclues de l'éloquence. Mais dans le même temps, ça cultive quand même l'idée qu'il y aurait une éloquence masculine et de l'autre côté, une éloquence féminine. Et donc, on entre ici dans un processus d'essentialisation de la parole qui peut être condamnable. Pour la petite histoire, et je terminerai par là, j'ai eu connaissance de ce concours, donc Gisèle Halimi, de ce prix Gisèle Halimi, par le biais d'un article au sein d'une revue juridique. Et je me suis aperçu que pour décrire ce concours, l'auteur, qui était pourtant une femme, n'a pas pu s'empêcher de décrire à chaque fois le physique des candidates. Il a ainsi écrit que l'une portait une blouse en wax mauve et jaune, que l'autre avait une silhouette gracile, visage encadré d'un sage carré blond. Une autre portait un tailleur gris et chignon strict. Une autre encore arborait une magnifique chevelure brune, lâchée sur les épaules, et adoptait un discours pugnace et provocateur, contrastant avec la douceur de son visage. On voit, c'est quand même affolant. Alors même que l'auteur veut rendre compte d'une initiative féministe, eh bien, elle arrive quand même à tout gâcher en renvoyant ces femmes à leur physique. Voilà, je terminerai par ça. Merci, c'est pas très rassurant, donc il y a encore du boulot. Hier, Mathilde a quand même eu un prix, voilà, celui des bibliothèques, si j'ai pas de bêtises, voilà. Et elle a été remarquée pour sa performance. On va vous passer le micro, si vous avez envie, des questions, des remarques aux différents intervenants, que ce soit les étudiants ou les universitaires. Oui, bonjour. Juste une question qui se pose, enfin qui a été évoquée un petit peu, mais que je trouve très intéressant dans l'éloquence, c'est le rapport entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une évolution quand on écoute, par exemple, sur France Culture, les vieilles rediffusions d'émissions qui sont très écrites à l'avance. Ça devient aujourd'hui insupportable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fluidité de la parole qui aujourd'hui existe. C'est intéressant, dans les deux exemples donnés tout à l'heure de Taubira et de Gaulle, c'est les deux qui sont connus pour apprendre leur discours par cœur. Donc effectivement qu'ils n'avaient pas recours à l'écrit apparemment au moment où ils s'exprimaient. Et c'est vrai que constamment c'est intéressant de voir à quel point le fait de l'écrit paraît une faiblesse au moment où le discours est prononcé, par exemple dans un discours, et peut affecter l'éloquence, à tel point que quand les gens font une émission de télévision, s'ils ont des fiches devant eux, déjà, ils paraissent moins maîtres de leur sujet que s'ils ont appris leurs fiches, et alors qu'au final, la documentation est la même, mais simplement, c'est simplement l'exercice. Donc moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, vous, dans ce rapport entre l'écrit et l'oral, et même sur les cours magistraux, enfin, quelle influence ça peut avoir aujourd'hui de ce nouveau rapport que les gens veulent entretenir avec l'oral. Et à plus forte raison, à mesure où maintenant on sait qu'on aura aussi une épreuve orale importante au niveau du bac. Donc ça aussi, ça peut être discriminatoire, mais quel est le rapport, voilà, et le rôle du prompteur, enfin, toutes ces choses-là qui sont faites, soi-disant, pour pouvoir maîtriser le rapport à l'écrit qui, malgré tout, reste la base sécurisante pour celui qui doit s'exprimer en public. Merci beaucoup pour votre question. Alors, si on essaie de réfléchir un peu, je pense qu'on n'est pas du tout assez formé à l'oral, globalement. Paradoxalement, on est dans un monde où tout le monde parle tout le temps, mais où on ne parle pas longtemps. Et où les élèves ne parlent pas longtemps non plus. Alors pour eux, c'est vraiment, vraiment très difficile. Et c'est vraiment une tendance lourde parce qu'en fait, la rhétorique au XIXe siècle, par exemple, elle était majoritairement enseignée à l'écrit. C'est-à-dire qu'à l'école, on avait beau faire des discours, en fait, on ne les lisait pas vraiment. D'abord, on lisait les bonnes copies, mais ce n'est pas du tout une forme de prononciation avec de la gestuelle. Donc c'était pas tellement mis, le corps ne jouait pas tellement un rôle. Et puis c'était vraiment, on faisait attention aux tournures de phrases, mais vraiment écrites, et c'était pas du tout un style qui pouvait passer la barre du parler, quoi. Donc effectivement, vous avez raison, il y a une difficulté aujourd'hui à s'adapter à l'oral. Alors en cours magistral, ça dépend du niveau des étudiants qu'on a. En L1, ce n'est pas possible d'avoir le nez sur ces notes. C'est vraiment impossible. Hein. Il faut vraiment parler, tenir l'attention fixée des étudiants. Mais il y a quelque chose qui est à la fois une aide et aussi un danger, c'est le diaporama qu'on peut utiliser. Beaucoup ont besoin en fait, d'un diaporama pour soutenir leur attention, de l'écrit. Et ça, c'est sûr, hein, on en a tous besoin. Et donc, il faut aider, il faut aussi même pratiquement rééduquer d'une certaine manière, les gens à suivre de l'oral sans support écrit visible. Alors là, il y a aussi une inégalité parce qu'il y a des visuels et des auditifs. Hein, donc, on n'a pas tous le même type de mémoire en plus. Alors, dans l'Antiquité, il y avait une formidable culture orale, mais en fait, le coût en termes d'effort était très, très élevé parce qu'il y avait des théories de la memoria, de la mémoire, qui étaient extrêmement précises. Et qui demandait un travail sur soi absolument énorme parce que c'était extrêmement codifié et que apprendre un discours par cœur, c'était un travail de codification qui nous paraît aujourd'hui très abscon. Il fallait pratiquement associer des éléments à des objets en vertu de certaines proximités de noms avec les objets. Donc c'était à la fois des jeux sur les mots et les associations de choses. Donc de toute façon, il y a toujours eu une difficulté de l'oral. Et le rapport au texte écrit, pour l'orateur, c'est un vrai problème. Et il y a plusieurs solutions en fait, qui sont possibles. Alors, il y a un texte qui est très, très drôle du 19e siècle, qui s'appelle le Livre des orateurs, écrit par Timon, le pseudonyme de Louis de Corbenin. C'était un député du 19e siècle qui avait pour spécialité de parler des orateurs tout en étant lui-même un excellent orateur. Et alors, il avait fait trois catégories. Le récitateur, celui qui a tout appris par cœur. Alors un spécimen du récitateur, c'est Winston Churchill, qui venait avec plusieurs discours en fonction de ce que l'autre avait dit avant lui. Il savait tout par cœur. Donc le récitateur, le risque du récitateur, c'est qu'en fait, tout à coup, de se retrouver quoi ? Parce qu'il a un trou de mémoire au milieu de son discours. Et comme il n'a pas ses papiers, c'est l'horreur. Et puis il y a le liseur, alors là c'est la catastrophe parce qu'il a tous ses parchemins devant lui et puis tout le monde s'endort. Et le troisième c'est le meilleur, mais malheureusement là on est inégaux, c'est l'improvisateur. L'improvisateur c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est celui qui a une osmose avec le public, c'est rem tene verba sequentur, si tu tiens le sujet les mots viendront, c'est ce que Socrate prétend faire aussi dans son Apologie, c'est improviser, c'est le naturel qui l'emporte, mais en fait l'improvisation se prépare. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il ait préparé, et à la limite qu'il ait tout écrit, et qu'ensuite il ne prenne pas ses papiers avec lui. Alors là, typiquement, c'est au 19... Enfin, il y a beaucoup d'improvisateurs connus, hein, mais il y en a un qui est... Excusez-moi, parce que c'est horrible, j'ai honte, j'ai des trous de mémoire. Donc c'est un très très grand prédicateur du 19e siècle dominicain, excusez-moi. Ça me reviendra. Hein. Lacordaire, très grand improvisateur, mais en fait qui écrivait ses discours. Un disciple de Fénelon aussi, hein, qui est justement pour une parole naturelle. Et donc là, en fait, ce que vous dites sur l'oral, c'est des choses qui... Ça ressortit à une difficulté qui a toujours existé. Et pour les élèves, cette difficulté, elle existe toujours, et c'est parfaitement normal. Tous les hommes, dès qu'ils doivent tenir un discours sur une certaine longueur, qui soit bien structuré, alors sauf qu'ici, on fait le cours pour... la 15e fois, en général, il y a quand même des variantes, on a évolué, on n'a pas toujours les mêmes choses à dire. Hein. Mais c'est, voilà, à moins de redire souvent les mêmes choses, et pour un orateur, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Autrefois, c'était possible d'aller de ville en ville avec un discours qu'on répétait. Alors, la première fois, on ne le savait pas trop, la deuxième fois, on le savait, puis la troisième fois, ça allait, parce qu'il y avait un meeting et on pouvait le répéter. Mais maintenant, en fait, avec Internet et avec les journaux, qui sont extrêmement rapides, on ne peut plus dire la même chose dans différentes villes, parce que tout le monde connaît le topo. Et donc, il faut sans cesse se renouveler en plus. Et donc, ça devient extrêmement compliqué d'être nouveau, de surprendre et d'avoir un fond et une forme qui changent en permanence. Parce que l'oral, il est évidemment aussi lié au temps et à une performance à un moment donné qui aujourd'hui peut être dupliquée des millions de fois sur un écran. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Peut-être sur le bac, sur la réforme qui a été envisagée, est-ce que ça va créer plus d'inégalités ou pas ? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. On pourrait dire que ceux qui sont plus à l'aise à l'oral sont aujourd'hui défavorisés parce qu'il y a peu d'épreuves orales. ce sera créateur d'inégalités s'il n'y a pas davantage de formations à l'oral qui sont créées en amont du bac. Je pense que cette réforme est bonne si elle est accompagnée vraiment de création de cours sur l'éloquence, mais vraiment bien en amont, bien avant le bac. Voilà. Ou d'éducation artistique et culturelle. Aussi. Et bonjour, je trouve assez étonnant qu'on puisse invoquer la génétique et de parler de caractère inné et de don en matière d'éloquence. À ma connaissance, on n'a jamais montré dans les travaux de psycholinguistique qu'il y avait des gazouillis plus ou moins éloquents. C'est-à-dire que, voilà. En revanche, à l'inverse, des études très, très approfondies montrent que le bain de langage, l'environnement linguistique est fondamental dans la manière dont on va maîtriser ou pas la langue. Alors... en fait, là, ce que j'ai, enfin, si juste, je reprends, on est orateur, on devient, on est éloquent, on devient orateur. C'est vraiment un lieu commun de l'Antiquité que j'ai juste redonné pour expliquer cette bipartition traditionnelle entre éloquence et rhétorique. Mais évidemment, ce n'est pas du tout, c'est pour expliquer un peu la différence entre les deux mots, mais pas pour m'appuyer sur une base de sciences cognitives ou de psycholinguistique, évidemment. Mais je pense que là, pardon. C'est vrai. C'est une construction qui est faite depuis le plus jeune âge, sûrement, et qui renvoie à l'environnement social. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Bonjour. Comme nous sommes dans un théâtre, quel est le lien est-ce qu'on peut faire un lien entre quelqu'un qui fait de l'éloquence et un comédien? Oui. Bah, les trois, c'était joli, là, les trois rapports au texte que tu nous as décrit, Pauline, pour moi, ça a vraiment résonné par rapport au métier de comédien. En fait, il y a une part importante dans la rhétorique, c'est l'actio. C'est, alors, donc, il y a cinq domaines sur lesquels l'orateur doit travailler. Il y a l'inventio, il va chercher le concept qui va structurer tout son discours. La dispositio, il va chercher ses arguments. L'elocutio, c'est le style, donc là c'est affreux, on sépare le fond et la forme. La memoria, il apprend avec différentes techniques, et l'actio, et c'est là qu'il va incarner son discours avec le geste. Et par exemple, chez les Romains, c'était mal vu de sortir le bras de la toge avant les Gracques. Les Gracques ont commencé à avoir un corps en relief, quoi, hein, et à bouger, et donc à devenir presque baroque, à s'animer. Mais on pouvait aussi brandir des tissus sanglants pour faire pleurer la foule, etc. Donc il y a quand même toute une dimension de comédie. À la fin du Promilonné, Cicéron a quelque chose d'absolument génial. En fait, il se dédouble. Il montre que son accusé a beaucoup de morgue. Donc il montre son accusé qu'il y a de la morgue. Donc il le dit. Et lui, il supplie en pleurant. Et donc il faut effectivement jouer. Même si, en fait, Cicéron a envie de gagner, il ne pleure pas spécialement pour Milon. Donc il y a une dimension de comédie. Mais en fait, il ne faut pas aller trop loin. Par exemple, les prédications au XVIIe siècle ont fini par être mal vues. J'ai une collègue XVIIe qui pourrait me dire si je me trompe ou pas, mais on finit par être mal vues parce que certains prédicateurs étaient devenus pratiquement des comédiens. Et donc, il faut faire une distinction forte entre le théâtre et la rhétorique, ne serait-ce que parce que la rhétorique ne se joue pas dans un monde de fiction. Si vous faites de la rhétorique, et en particulier dans une assemblée politique, on attend quand même de vous que vous soyez, que vous ayez de la vertu, de la compétence, et que vous suscitiez la confiance. Pas en racontant des fables et des histoires. Alors, on peut raconter des fables en rhétorique, mais c'est pour montrer que c'était une allégorie et pour convaincre. Mais si vous restez dans la fiction, là, c'est un problème. Donc, il y a des points de rencontre forts entre le comédien et l'orateur, mais l'orateur n'incarne pas un personnage de fiction. L'orateur incarne un personnage de discours, celui qui paraît le plus apte à appeler la confiance de son public, même si effectivement c'est un personnage. Hein. On peut très bien jouer un personnage très franc tout en étant parfaitement hypocrite, hein. C'est possible. Mais ça ne va pas aussi loin que l'incarnation d'un personnage fictif par un comédien sur une scène avec une transposition, une histoire, une intrigue. Mais bien sûr, un comédien peut être un excellent maître pour un orateur. En droit, par contre, par exemple, trop de théâtralisation peut nuire aussi à la plaidoirie de l'avocat. Ça, c'est un point. Même au concours d'éloquence, des candidats qui sont trop dans la théâtralité, ça peut nuire à leur note finale. Alors moi, je vais vous répondre avec peut-être un côté un peu plus terre-à-terre, parce que j'ai fait plusieurs années de théâtre. Et je ne dirais pas qu'il faut absolument faire du théâtre pour être éloquent, mais je dirais que ça aide dans la mesure où quand vous faites du théâtre, vous faites énormément de travail sur vous-même. Vous faites du travail sur votre corps, vous faites beaucoup d'improvisation, vous apprenez un texte, vous apprenez à réciter votre texte et vous apprenez aussi à interpréter votre texte. Et donc, quand vous faites du théâtre, vous apprenez à... Vous n'utilisez pas votre texte, vous l'apprenez par cœur. Donc là, on est un peu sur ce que disait monsieur, parce que finalement, vous n'avez pas votre texte sous les yeux. Même avec un trou de mémoire, il faut vous débrouiller. Et donc, ça vous aide, parce que quand il faut convaincre un public sans avoir votre texte sous les yeux, que vous connaissez votre texte, et si jamais il y a un trou de mémoire, il faut utiliser votre corps. Il faut utiliser la gestuelle, il faut utiliser votre partenaire, il faut utiliser votre langage corporel. Et donc, je dirais que ça... Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, le théâtre, pour ce qui est de l'éloquence, pour ce qui est du concours d'éloquence que j'ai fait l'année dernière, ou même pour aujourd'hui. Parce que quand on apprend sur soi-même, quand on apprend à utiliser la gestuelle, quand on apprend à utiliser même sa voix, à poser sa voix, à accélérer, ou alors à poser sa voix quand vous dites quelque chose de plus sérieux, et bien finalement, tout le travail du théâtre va beaucoup aider à... et même... au-delà d'un concours, simplement quand il faut parler à quelqu'un dans la vie, quand il faut faire un exposé, quand vous êtes en cours, eh ben le travail aide énormément parce que tout le travail que vous avez fait sur vous, eh ben ça va jouer pour l'éloquence future. Oui, bonjour, c'est par rapport à la distinction forme et fond. J'avais envie de les réconcilier dans le sens que, à mon avis, c'est une entité, et si on peut travailler la forme essentiellement par des virelangues, par exemple, où on s'occupe peu des exercices de virtuosité, où on ne s'occupe pas du fond, ou lorsqu'on peut également travailler le fond sans parole, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il me semble que c'est un tout. Et la formule de Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Il faut savoir qu'il est très familier de ces oppositions. Hein. Hugo est connu pour ça. Et on voit que dans cette phrase même, il y a beaucoup d'allitération. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais en tout cas, je dirais, moi, que il n'y a pas de différence entre le fond et la forme. On voit qu'un acteur incarne, un bon acteur est à la fois quelqu'un qui maîtrise et le fond et la forme. Et puis quand on rencontre quelqu'un... et qu'on lui demande « est-ce que tu es en forme ?», on s'occupe de l'essentiel. J'avais juste une question et une remarque. La question, c'était sur la discrimination entre guillemets homme-femme dans l'éloquence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de femmes qui se présentent au concours, ou, d'accord, la proportion est d'emblée, il y a déjà, donc ça vient aussi effectivement peut-être culturellement des limites que l'on se met de tas d'oppositions. C'est pas forcément... Il y a une intériorisation, je pense. Oui. Oui. Alors ça rejoint après la réflexion que tu as faite, c'est qu'effectivement, je pense que dans l'éducation, en classe, on a vraiment besoin de travailler les disciplines artistiques de façon beaucoup plus prégnante. Parce que je pense qu'effectivement, on arrivera à ce que les filles osent Moi, je sais que quand j'ai passé mon bac, c'était une année où il y avait des changements, ça date. Hein. Il y avait des sections un peu expérimentales, et justement, il y avait la possibilité d'aller vers plus d'oral. Et j'ai évidemment, moi, pas choisi du tout l'oral parce que c'était l'horreur, et j'avais choisi là où il y avait le plus de disciplines écrites. Et j'ai vu qu'après, dans mon parcours, en faisant pas mal de choses, l'oral est devenu intéressant. Mais pas du tout encore évidente. D'ailleurs, là, je vois que c'est pas simple pour moi de prendre la parole comme ça. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment, et je rejoins là, le jeune homme, il y a vraiment un travail à faire de tous les apports que l'on peut avoir de travail artistique, musical, danse, théâtre, apporte tous ces éléments pour avoir une assurance et du coup permettre effectivement l'expression orale, la canalisation de l'émotion, la gestuelle, et du coup de faire passer des idées quelles qu'elles soient. Elles n'ont pas besoin d'être mirobolantes et extrêmement importantes, mais au moins de communiquer et de pouvoir exprimer et être en relation avec l'autre. Et c'est ça qui devient important. Et on est effectivement tellement de plus en plus derrière des écrans et on se coupe encore plus de ça. Donc il faut revenir à la base. Les concours, c'est bien. C'est super parce que ça redonne peut-être l'envie et de tendre vers ça, mais il faut vraiment repartir à la base. Et pour que le bac soit pas trop discriminant pour certains, travaillons sur soi. Voilà. Oui, c'est vrai, en première année de droit, par exemple, on fait des exposés dans des classes, ce qu'on appelle les TD, et parfois on a vraiment l'impression, quand on est enseignant, que pour certains, c'est vraiment leur premier exposé oral devant une classe de 40 personnes. J'ai eu des cas, moi, des étudiants qui tombaient dans les pommes parce qu'elles étaient complètement terrorisées par l'idée de passer à l'oral. En fait, je pense que les concours d'éloquence, ça peut aussi être fait comme un jeu et il faut un peu, dédramatiser le passage à l'oral. Oui, bonsoir. Ma fille est en troisième année de licence en art du spectacle à Rennes et elle vient de m'avouer que depuis le début de l'année, elle et plein d'autres étudiants n'assistent pas à un cours d'un professeur parce qu'il lit ses cours très doucement, n'articule pas, tout le monde s'ennuie et surtout personne n'entend. Donc le premier rang reste parce qu'ils ne peuvent pas être là, parce qu'ils verraient qu'il n'y a personne. Et tout le monde recopie les cours sur ceux qui sont devant. Et ce professeur se rend compte que beaucoup ne sont pas là, donc ne travaillent pas, donc les sacs au niveau des notes. Qu'en est-il donc de ces professeurs de fac qui bousille une année de licence. Est-ce que les étudiants l'ont dit ? A priori, moi je questionne ma fille qui a été depuis longtemps sensible comme ça aux profs qui ne sont pas passionnants et puis surtout qui lisent et qui récitent, quoi. Et donc, je lui ai toujours dit, mais depuis le lycée, mais vous ne le dites pas, bah non, parce qu'en fait, j'en sais rien, ils ont peur, ils s'en fichent ou ils se plaignent énormément. Donc, les profs n'ont aucune formation en éloquence. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de formation. En tout cas, les profs, non, les profs d'université n'ont pas de formation à l'éloquence. On est un peu livré à nous-mêmes quand on fait son premier cours. Je pense que la sanction, elle vient du fait que les étudiants partent. Et bon, peut-être que si les étudiants lui disaient est-ce que vous pourriez faire autrement voilà, je ne sais pas. Ouais. Alors c'est un problème aussi parce qu'un professeur, ça dépend aussi de la matière qu'il traite. Si c'est une matière qui est extrêmement technique avec 50 000 points et que, bon, comme j'imagine, il fait toute une année avec énormément d'éléments techniques, extrêmement érudits, etc., il ne peut pas toujours tout dire sans regarder son papier, ça c'est sûr. Mais il y a différentes manières, effectivement, Je pense que le rapport au papier est inégal en fonction des matières qu'il enseigne aussi. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de trouver des raisons, mais. Ouais, ça peut. Non, mais ça peut être le cas, hein. J'ai encore une question. Je fais toujours, je continue mon raisonnement là, par rapport à un comédien qui joue un texte qu'il a appris et qui n'a pas été écrit par lui. Est-ce qu'on peut être éloquent sans être à l'origine de son discours? Mais si le texte est éloquent, il peut lui-même être persuadé de ce qu'il a lu dans le texte, peut-être. En fait, là, ça peut s'adresser plutôt aux deux personnes là, qui sont intervenues. J'imagine que c'est vous qui avez rédigé vos textes, mais est-ce que vous imaginiez, ou peut-être pas, peut-être pas, oui. Enfin, la vérité. Je commence. Venant d'un autre texte, je ne sais pas, en tout cas, c'est un peu parallèle à ce que vous venez de dire, c'est possible de défendre un texte que certes on a écrit, mais on ne partage pas forcément les mêmes idées. Nous, en fait, c'était l'objectif aujourd'hui. Le but, ce n'est pas qu'on soit convaincu que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, et qu'on avait chacun une position à défendre, donc la positive pour Jules, la négative pour moi. Et pour autant, on n'était pas forcément convaincu par cette idée. Le but, c'est d'essayer au mieux de convaincre par notre écriture, par la façon dont on interagit avec vous, sans pour autant partager la même idée que la citation à la base. Donc ça revient un peu au fait de ne pas avoir écrit le texte finalement. C'est se détacher en fait de la pensée initiale pour convaincre même sans la partager. Oui, c'est ça, parce que finalement l'éloquence c'est convaincre. Donc qui a écrit le texte, on s'en fiche. Que ce soit Molière ou que ce soit Anatole qui m'ait écrit le texte, à la rigueur, moi, dans le moment où je passe face au public en récitant un texte ou pas, eh ben, l'important c'est convaincre que ce qui est écrit c'est la vérité, pour que vous vous dites, vous dans le public, ah ouais il a raison, et puis après voir Anatole en disant, ah ouais peut-être qu'il a raison. Le but c'est simplement utiliser, comme je le disais tout à l'heure par rapport au théâtre, utiliser son corps, sa gestuelle, utiliser l'art des mots pour convaincre, pour dire au public, écoutez-moi parce que j'ai raison. Donc quand vous jouez le Tartuffe de Molière ou Don Juan, ou même si vous jouez des auteurs plus contemporains, eh ben vous arrivez tout de même à être éloquent, parce que ce qui est dit, ce qui est écrit, c'est la vérité. Et vous, il faut que vous vous dites, oui, c'est la vérité, et je vais convaincre mon public que c'est la vérité. Même quand on voit des choses qui ne sont pas forcément très catholiques, comme dans le Tartuffe, j'imagine que vous avez déjà vu la pièce ou regardé des films, puisqu'il y a des films qui ont été faits sur Tartuffe. Vous vous dites, ah oui, tiens, c'est quand même pas très catholique l'image même du Tartuffe, sauf que le comédien ou l'acteur qui joue le Tartuffe, justement, il essaye de vous convaincre que bah, lui, il a raison et que lui, ce qu'il fait, là, ça, c'est catholique. Et justement, il travaille son éloquence, il travaille sa conviction. Donc, de savoir qui a écrit le texte, je suis désolé de vous dire qu'on s'en fiche, parce que l'important, c'est convaincre. Je voulais savoir ce que vous entendiez par l'idée du divorce de la langue et du cœur. C'est justement l'inverse de ce qu'on vient de dire. En fait, c'est l'idéal de la rhétorique du pectus, la rhétorique qui sort du cœur. C'est le paysan du Danube. C'est celui qui dit tout ce qu'il a dans ses tripes. Et il le dit de façon tellement vraie que la forme sonne parfaitement juste. Et ça, c'est vraiment un idéal qui va de pair avec une perception du bien et du juste. C'est-à-dire qu'on a tellement été terrifiés par ce que pouvait faire l'éloquence, se draper de grands mots de justice et de vérité, alors qu'en fait, elle sert des despotismes raisonneurs. Ça, c'est une expression de Madame de Staël, en fait. Il y a eu une telle terreur par rapport à ce pouvoir que beaucoup de rhéteurs ont insisté sur l'articulation entre la vertu et la pratique de la parole. En revanche, on peut quand même se dire que, eh bien, dans tout discours, il y a une polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a diverses voix. Il faut savoir argumenter avec l'ennemi pour savoir le battre sur ses propres plates-bandes. Il faut savoir aussi faire parler dans son discours. Il y a une figure de style qui est très, très, très bien, ça s'appelle la prosopopée. Vous faites parler votre adversaire dans votre discours. Il faut savoir faire parler les voix ennemies, les voix diaboliques, l'avocat du diable. Il faut faire parler tout ça et parfois même incarner ces voix Et une pièce de théâtre, c'est aussi peut-être à certains moments un discours où Tartuffe, Tartuffe, ce n'est pas évidemment Molière, et Tartuffe ne résume pas la vision de Molière, et ceux qui sont contre Tartuffe ne résument pas nécessairement non plus la vision de Molière. Et donc, il faut aussi se rendre compte que la vérité, elle est multiple, et que souvent, et alors c'est aussi ce qui oppose fortement Socrate à la rhétorique, hein, et c'est l'idée qu'il y ait une vérité qui soit complètement comme ça possédée par un seul homme. Et d'où vient que éloquent est souvent un adjectif qui s'attache à quelqu'un qui est positif? On ne traitera pas Hitler d'éloquent, alors que il a pu l'être, malheureusement. On traitera davantage des personnalités qu'on respecte, ou même d'un discours, on dira oh, c'est éloquent, sous-entendu, voilà, l'affaire est entendue, justement. Oui, tout ça vient. Oui, en tout cas, si on dit c'est de la rhétorique, là, c'est affreux, quoi. C'est l'inverse. C'est éloquent, c'est bien. C'est de la rhétorique, c'est vraiment catastrophique. Oui, tout à fait. C'est éloquent, en fait, c'est ce qu'a dit Jimmy. Hein, c'est beaucoup plus large que rhétorique. C'est éloquent, c'est vraiment que votre oreille est complètement. Vous êtes comme il y a une très belle métaphore. Hein, c'est vous êtes attaché par la chaîne, par votre oreille à celui qui vous parle. C'est beaucoup plus large que la rhétorique. La rhétorique, on soupçonne toujours quelque chose de construit. Et l'éloquence, c'est toujours, ça, voilà, ça a l'air toujours plus naturel. Oui, en plus, rhétorique, c'est un mot en hic, alors c'est vraiment quelque chose de technique, quoi. Donc, mais dès le début, hein, c'est un mot en hic, donc ça fascine et ça fait peur. Tandis qu'éloquence, c'est vraiment parler, c'est vraiment le mot parler, hein, qui est dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est rhétorique, c'est le discours, tandis que ce qui est éloquent, c'est l'homme. Donc, c'est quand même beaucoup mieux.